Tant que Harry s'installe, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui avons-nous aujourd'hui? On n'a que Novatom. Eh oui, ouais. Trois frères. Ouais. Alors, Jonathan, Emmanuel, David, Thomas. C'est bon, ouais. Thomas, c'est le nom de famille. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est bon. Alors, qui est qui? Jonathan. Jonathan, tu fais ouais. Guitare, chant et machine, programmation. Ok. Voilà. Ouais, David à la batterie et puis je balance des samples. Okay. Emmanuel à la basse et basse synthé aussi. Ok. Ouais. Ça va, vous arrivez à vous supporter? Ouais, ça va. Ah, ça dépend des jours quand même. C'est chaud de travailler en famille un peu, non? Bah en fait, ça va. Bah nous, on trouve pas, mais... Ouais. C'est vrai que tout le monde nous dit jamais... ça. Hein. Ouais, on nous dit souvent ça et en fait... Ouais. Ouais. Ça peut être venir? En fait, non. Ça... Ah, nous, c'est plutôt notre force. Ouais. Ouais. Ah, bon. C'est important. C'est beau. Trois frères qui jouent, en plus, je pense qu'il y a... Et de l'ADN commun, donc ouais, en termes de mise en place, je suis sûr que ça. Ouais, c'est un plus. On est tous un peu batteurs en plus. Donc. Puis on a juste un peu écouté les mêmes disques quand on était gamin. Donc, En tout cas, ce soir, l'émission est pour vous. On va découvrir ensemble les Novatom. Et puis, il y a longtemps qu'on n'avait pas commencé avec Harry, alors. Bon, bah, c'est ton tour. Alors, moi, je fais la rubrique nécrologique. Et histoire, c'est l'historien de l'émission quand même. C'est hein. toujours soit un retour en arrière, soit alors là, on a eu. Le guitariste d'AC/DC qui est mort. Enfin, il y en a, de toute façon, chaque semaine, il y a. Rassure-moi, c'est calme cette semaine. Oui, alors, comme c'était très calme, je vais quand même revenir. Il était chercher un vieux mort. 39 ans en arrière, puisque c'était en février 1980. Et donc, putain, c'est Bon Scott, le fameux chanteur d'AC/DC qui est mort bêtement, puisque tout le monde connaît l'anecdote où il était bourré un soir à Londres avec un de ses copains, qui n'a pas réussi à le sortir de la voiture. Et. Il est mort dans le froid et étouffé par son vomi dans la bagnole. Bon, c'est une triste fin. Bête. C'est ballot. Et donc, ce soir, j'ai proposé de vous. Enfin, je vous propose d'écouter un morceau un peu. Enfin, qui n'est plus exclusif, mais qui l'a été à un moment donné. Puisque c'est Bernie de Trust qui l'avait amené à une émission de Zegut. C'est la dernière session que Bon Scott a fait avec Bernie, où ils reprennent la chanson Ride On, qui a été faite quelques jours avant la mort de Bon Scott. Donc, ça a une petite valeur. On va dire émotionnel. Ça y est, tu peux l'envoyer. Merci Harry pour ce petit morceau. Et on continue, on enchaîne. Oui, on enchaîne. Donc on rappelle un peu le principe de l'émission. On invite les groupes qu'on aime. Et aujourd'hui, c'est Novatom qui est avec nous. Et puis faire découvrir les groupes de la région, les groupes locaux. Et il y a beaucoup de groupes à Saint-Étienne. Hein. Alors il y en a qui les font découvrir de l'émission, effectivement, Radio Gaga, par la radio. Et puis d'autres qui font découvrir par les livres. Donc j'ai cru voir que vous étiez dans le nouvel opus de Pascal Pacali. La France est extrêmement rock. Ah, extrêmement maintenant. Ouais, c'est oui, rajouter c'est un la suite. Wow. Hein. Un adverbe. Mais vous ne faisiez pas partie du premier. Non. Voilà. Non, non, donc il y a des nouveautés. Donc j'avais dit à Pascal qu'on lui ferait un petit coucou ce soir en compagnie des Novatom. Donc n'oubliez pas d'aller chez votre libraire préféré trouver ce nouveau. D'ailleurs, ce nouvel opus. Il fait une présentation bientôt. Oui, avec vous en, ouais, ouais. En concert dédicace. Le 8 juin. Le 8 juin, ouais. Ah, donc il y aura. Un forum, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. On va faire un petit concert acoustique avec lui pour présenter son bouquin. Ouais. D'accord. C'est cool. Bien. Eh bien, super. Découverte d'un nouvel album qui est sorti il y a 15 jours. Les Blue Tomorrow, qu'on a déjà reçus ici. Donc, ils avaient fait un concert spécial au PAX. Donc je vous propose d'écouter un morceau de leur nouvel album Endless Roads. Like forever keeps me waiting. c'était les Blue Tomorrow sur Radio Pas Mal. Ouais. Pas mal. J'ai bien mis un petit chorus de guitare à la fin. J'en profite pour dire, si jamais Rémi nous écoute, ce qui arrive de temps en temps, il avait gagné, qu'il a gagné un CD qu'il faut qu'il récupère. Le Bart que nous avions reçu il y a 15 jours. Voilà. Et peut-être qu'il ne le veut pas, son CD. Auquel cas, je le prends. Alors, et si on parlait un peu de nos invités, parce que ouais. C'est leur émission. Exact. Alors, Novatom, pourquoi ce nom? Parce qu'ils ont une chanson qui s'appelle Why. Donc Why, oh là là. Je ne peux pas chercher si loin. Tout est dit. Oui, je suis l'intello de la bande, désolé. Novatom, parce que pour nous, en fait, c'était un peu comme un nouveau projet. On a eu un projet avant qui s'appelait Superfetch Chunk. Et ça me parle, ça. On avait un nom assez compliqué. Et voilà, on a eu envie de refaire les choses un petit peu. Et voilà, Nova parce que nouveau et Atom parce que Thomas. Voilà, mes frères Thomas. C'est très simple, ça va. Ouais, je me suis dit qu'il y a peut-être un lien avec le puis les famille, étoiles un petit peu. Mais aussi. Vu qu'il n'y avait pas le H, je me suis dit c'est peut-être pas ça. Ok. Est-ce que vous pouvez essayer de qualifier le style musical? Je sais, c'est la question con et chiante. La fameuse question. David, tu as réfléchi? Non. C'est super dur. Quand tu fais du rock, on fait du rock, donc. Mm-hmm. Et on utilise pas mal d'électro dans notre musique, mais comme beaucoup de groupes aujourd'hui. Et c'est super difficile de trouver une étiquette. Nous, aujourd'hui, on dit qu'on fait du urban rock. Ou du... Ouais. En général, rock, urban rock. Urban rock, alternative rock. Elle est galère. Non, mais en plus, c'est pas comme si on s'était pas posé. Quoi, mais c'est... Non, mais en plus, c'est vrai, j'ai écouté, évidemment. C'est pas linéaire. Enfin, il y a plusieurs style de musique sur l'album en fait. Oui. Donc du coup moi-même je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est... Donc je vous pose la question parce que vous êtes mieux placé que moi pour y répondre. Ah là, visiblement pas forcément, non, on n'est pas forcément mieux placé. Ouais. Ouais. Alors vous êtes frangin, ça jusque là tout va bien. Vous avez commencé à jouer quand, comment, pourquoi, c'est parti de qui de... Il y avait des instruments à la maison. Parce vos parents que sont musiciens. Mais déjà nos parents sont musiciens. Ouais. Donc il y avait toujours il y a toujours eu ampli, batterie, un petit peu tout ça. Et puis David a commencé la batterie. Et on a tous, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on était tous un peu batteurs parce que en fait on a tous appris un peu en même temps que David la batterie. Ouais. Okay. Tout simplement. Et puis après les étés, au lieu d'aller jouer au foot dehors, quand on s'ennuyait, on allait dans la salle de répé des parents. Et c'était un peu ça quoi. À 3, c'est ah mais si, on a une petite anecdote qui va te faire plaisir à toi un petit peu. Je pense, non. En fait, quand on a créé notre premier groupe qui s'appelait Superfetch Chunk, donc j'étais au collège à Mario Meunier, et il y avait un pion qui était cool, qui faisait de la musique, qui jouait dans un groupe qui s'appelait 3DK. Je te vois venir. Et ce pion, il vient me voir et il me dit tout simplement, est-ce que ça, j'ai su par tes copains que tu faisais de la musique, est-ce que tu pourrais faire un concert à Montbrison, et voilà tout ça. Et je lui dis ouais, mais j'ai pas envie de jouer tout seul. Alors j'ai demandé à un frangin, ça vous dit qu'on fasse un concert? Et on a fait notre premier concert. Et ce pion, donc c'était Michael Furnon de Mickey 3D, oh, dont tu es très fan. Comme c'est beau, belle anecdote. Et demandez-lui qu'il vous écrive une chanson, ça fera un petit... On n'a pas les moyens. Ah mais entre ligériens, il le fait comme ça. Hein. On va lui passer un petit message sur Facebook. Ouais. Ça sera avec plaisir. Donc mais du coup, on va écouter Novatom alors, non? Exactement, donc le titre c'est Why. Ouais, c'est la première chanson de l'album. Ça boucle le truc. Two hours more. connaissent par cœur. C'est vrai. Et nous aussi. Ouais. C'est qui a parlé du Ugly Joe? C'est moi. Bah, moi, je trouvais que cette chanson, elle me faisait penser le début. Ugly Kid Joe et Everything About You. Oh. Ah ouais. Non, le début, bah, vous réécouterez. Ouais. Ouais. Et vous me direz. Si j'ai entendu ça, je vais putain, je connais. Et en fait, non. Enfin, voilà. Je connais. Ugly Kid Joe, Everything. Ah oui, d'accord. Ah bah, la plus. Ouais, ouais. D'accord. Voilà, donc on est d'accord, ça n'a rien à voir. C'est les années 2000, ça. Enfin, 90. 90, ouais. Ouais. Mais on connaissait. Continue à tourner, on connaissait. Je crois qu'il tourne encore. Ouais. Ouais, je crois qu'on est pas mal de cette époque. Je suis étonné. Qu'ils s'y remettent. Ils connaissent ça. Que quoi, t'as dit ? Je suis étonné que tu connaisses Ugly Kid Joe. Oh, j'ai grandi dans les années 90, mon monsieur. Ouais, je croyais que t'étais pas né, moi je comprends rien. Pas trop ton style, ça. Ouais, bon, bah, je garde la main hein, si vous voulez bien. Moi j'aimerais bien faire écouter un titre de Stuck in the Sound, je sais pas si c'est. Ouais. Donc c'est un groupe parisien. Ils ont sorti plusieurs albums, et puis là j'ai choisi un titre qui s'appelle See You Again, c'est de leur dernier album. Et c'est un petit groupe, pareil, qui ils se sont fait découvrir par les Un Rock. Ils ont fait un concours, ce qu'il faut découvrir, la CQFD. CQFD, ouais. En 2005, et puis voilà, c'est parti de là, en fait. Donc tout est possible, au final. Voilà. Donc, bah, j'espère que tu me feras changer d'avis, parce que moi, j'aimais bien au début, et maintenant, j'aime beaucoup moins. Ah ouais, moi, je le trouve donc, bien, cet album. J'ai même pas écouté le dernier, du coup. Bah, tu devrais. Bon, voilà. On verra. On en reparle tout à l'heure. Bah, écoute. White birds, blue skies, laying in sand with a bottle of wine, paralyzed like a sleeping giant, baby I've been drinking all night. Baby, I've been drinking all night. Radio Gaga, l'émission rock locale et good music. Viens découvrir les groupes de la région. Rock, blues, pop, punk, noisy. Des invités, des lives acoustiques. Tout ce que nous aimons dans Radio Gaga avec Cécile, Harry et Pat. Les amis vont bien s'occuper de tes oreilles. Un jeudi sur deux, les semaines impaires, de 21h à 22h sur Radio Dio 89.5. Super, je t'avais dit que je le passerais. Mais il est très bien ce jingle. T'as parlé dans un tuyau PVC ou bien? Non, il y a un peu d'écho. C'est très bien. Très bien. J'aurais pas fait mieux. Ah ben moi j'aurais pas fait. Avec les moyens du bord. Hein. Non, mais oui. C'est bien. Non, non, parfait. C'est bien que tu l'aies fait. Ouais. On va gagner 10 000 auditeurs, ça, ce jingle, tu vois. Alors, t'as un problème avec le cordon, non, je sens. À fond. Il est trop court. Attends, regarde. Là, c'est bon, là, il bouge plus, j'entends. C'est sinon, bon. Je te filerai, je te filerai mon prolongateur. On peut te parler quand même, tu nous entends? Oui, ouais, ouais, c'est bon, je t'entends. C'est bon. Du coup, moi, j'aurais aimé savoir vos influences, connaître vos influences. Ça aussi, c'est une question piège. Ouais. On a compliqué. Du temps devant nous. Nous, on peut te faire une playlist si tu veux. On t'anime l'émission pendant. Voilà. Puis, oui, puis alors... des frères qui s'entendent d'un point de vue musique, ça doit être compliqué aussi. Hein. On a un gros socle en commun quand même, ouais. De quand on était vraiment enfant, jeune, je veux dire. Notamment beaucoup la musique des années 80-90. Ouais. Nous, on a été très marqués par le rock des années 90, notamment toute cette scène. Nirvana, Rage Against the Machine, Pearl Jam. On doit avoir à peu près le même âge alors. Les Red Hot. Les Red Hot. C'est pas une question Nine d'âge. Nine Inch Nails, Faith No More, Alice in Chains, tout ça. Enfin, je pourrais en dire plein encore. Hein. C'est toute une scène qui nous a énormément marqués. Et c'est vrai qu'on est très dans nos goûts, très années 90 quelque part. Et, Ça bouge pas en fait. T'aimes tout le temps. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, même dans les années 90, il y a eu des trucs super bien, comme Björk, comme Massive Attack aussi. Ouais. Voilà, c'est autre chose que ce que nous on fait, mais nous, ça nous a énormément influencé leur approche de la musique. Je dirais même qu'il y a eu un peu du hard rock des années 80 aussi qui nous a bien plu aussi. Il faut pas avoir honte de le dire. Non, non, non. Il faut le dire. Nous, on a beaucoup aimé ça. Et puis après, on a chacun nos trucs individuellement. Hein. Oui, heureusement. D'ailleurs. Vous avez choisi un titre en partie. Alors, je sais que vous avez galéré, hein, évidemment, comme toutes les personnes qu'on reçoit, pour choisir un titre. Et donc, vous avez hésité, et vous avez choisi les Red Hot, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Ça revient souvent, les Red Hot. Hein. Ben ouais, ça vieillit. Et quand on est bon, hein, c'est comme ça aussi. Ouais. Hein. Surtout que là, c'est l'album monde, hein. One Hot Minute, ouais, avec Dave Navarro. Ouais. Avec le recul, c'est et nous, l'un en fait, des meilleurs. Ouais. Des fois, on se fait écouter des trucs en répé quand on se voit « Ah, te rappelles telle chanson et tout. » Et quand on s'est mis ça, on s'est dit « Mais waouh, c'est incroyable comme ils nous avaient influencés en fait à l'époque. Ah » ouais. Et on s'en rendait pas compte à l'époque, mais c'est aujourd'hui avec le recul qu'on se dit « Mais c'est vraiment un groupe qui nous a marqué. » Et qui, moi, je trouve leur musique, elle vieillit bien, parce qu'ils ont quand même des bonnes chansons, des bons refrains. Et ils tournent toujours, enfin quasiment. Ouais, ils étaient encore en Égypte là, il y a pas longtemps. Alors ils ont plus John Frusciante en guitare, donc le chouchou de Cécile. Ça a changé. C'est bon, voilà. J'aimais bien aussi Frusciante. Ouais. Mais après Navarro, c'était cool ce qu'ils avaient ça fait. Ça envoyait plus, ouais. Ouais, ouais. Mais c'était un peu plus rock pour le coup. Mm. Voilà. Donc Coffee Shop, si j'ai bien voilà, suivi. On part au Coffee Shop. Voilà. Grâce au Novatum, les Red Hot. Exactement. Bon, tu veux que je meuble, c'est ça? Nous avons un petit problème technique. Nous allons rendre l'antenne à Cognac Jay. Alors sinon, la petite rubrique football. Il y a une remontada Liverpool a quand même gagné 4-0 face à nos amis de Barcelone. C'était un très très beau match. Ouais, ça va être un peu compliqué, mais on peut toujours rêver. Et hier, grand match quand même, puisque je suis allé au ciné, et puis j'arrive à la mi-temps, 2-0, je me dis c'est plié, et puis j'ai assisté à une mi-temps de folie quand même. 3-2, hein, ces Anglais. On n'a jamais vraiment gagné contre ces Anglais. Bah parce que je meuble. Parce que je meuble le temps qu'il cale. Et puis dès qu'il va me faire... C'est la technique, hein, c'est compliqué. Hein. Mais je sais. Mais je meublais parce que t'étais parti, donc forcément. Mais t'as vu, j'ai mis du Novatom en fond. Ah. Eh. Eh bien, on est parti donc coffee shop avec les Red Hot. Il va ressauter. Hein. Alors, ma réponse. C'était quoi la question ? Rappelle la question. Pourquoi le descriptif est en anglais ? Parce que c'est vrai que toutes nos chansons sont écrites en anglais. Et pourquoi aussi ? Parce que ça vient naturellement comme ça, que je suis pas très à l'aise avec le fait de chanter du français. Je l'ai déjà fait quand même un petit peu. C'est toi qui écris ? Les paroles, ouais, ça y est essentiellement, ouais. Ouais. Okay. Mais David aussi écrit souvent, ça lui arrive souvent d'écrire des textes. Mais voilà, et du coup, ouais, c'est souvent l'anglais parce que c'est plus facile à chanter que l'anglais, c'est plus pop, c'est plus rock, c'est plus. C'est plus qu'on a l'habitude d'écouter aussi. Ouais, je pense, il y a ça. Et après, le descriptif, ben, aussi parce que notre album il est distribué au niveau international, hein, tant au niveau physique que digital. On est distribué par Season of Mist pour les disques, et pour la version digitale, on est distribué par Believe Digital. Donc voilà, tout, c'est aussi un peu pour ça. Et on a déjà tourné en Angleterre à l'époque, on s'appelait Super Fudge Chunk, on a fait 2 tournées là-bas. Donc ouais, c'est vrai qu'on aime bien le côté international nous attire un petit peu, bien sûr qu'on a des aspirations parfois. Ah, voilà. Le côté de chanter en anglais, autant profiter de ça. Si on chante en anglais, ouais, mais du coup, pourquoi se contenter de la France ? Rien n'est écrit en français. Du coup, je maîtrise très bien l'anglais, c'est pas un problème. mais du coup, tu lis en anglais et J'aurais aimé un petit peu. Lire en français, ça m'aurait soulagé un peu. Ah, vous avez vu Pression d'être Saint-Etienne quand même. Hein. Ouais, hein, ça c'est bon. On le dit bien. Mais vous avez raison, faut le dire. Je pense que c'est très difficile de chanter en français. Ouais. Enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien. Sinon, tu sonnes comme Trust, tu sonnes comme Noir Désir, tu sonnes comme. C'est compliqué. Ça dépend. T'as des gens qui le font vraiment super bien. Mais je trouve que c'est vraiment. C'est dur d'être original. Pour moi, c'est un style à part entière. C'est-à-dire, faut plus que je chante comme je chante actuellement. Faut pas que je cherche à chanter du français comme je chante l'anglais aujourd'hui. Tu en comprends les paroles des fois, c'est pas forcément. C'est pour ça que c'est risqué. Puis c'est vrai que l'anglais, nous, on en discutait avec des gens en Angleterre, c'est eux. Ils jugent pas un texte à la qualité de la poésie en fait. C'est beaucoup plus à la qualité de la sonorité en phrasé. Fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ton anglais? Justement, t'as fait tourner anglaise. Eh ben, j'ai été surpris quand je parle. Hein, ils entendent clairement que je suis français quand je parle, d'accord. Parce que vraiment l'anglais parlé, je sonne très français, voilà. Mais sur l'anglais chanté, par contre, on a eu pas mal de compliments sur les paroles. Justement, on a été surpris. Je pense, parce que même si on écrit en pensant en anglais, je pense que malgré tout, on a notre culture française qui est toujours là dans la manière de faire des images, de faire des choses. Mmh. Et je pense qu'ils le ressentent, il me semble. Mais je pense que ça leur plaît aussi. Et apparemment, et pas même, trop d'accent. Ouais. L'accent, j'ai pas eu trop de reproches. Mmh. Ouais, ça va. Et les quelques fois où on me l'a fait remarquer, c'est que c'était petit côté un peu French touch. Je pense qu'en plus, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, parce que l'anglais, en fait, c'est une langue qui est massacrée dans tous les pays du monde, de toute façon, donc... Tu peux le faire aussi. Regarde. Ouais. Non, mais regarde Björk par exemple, elle chante l'anglais, t'entends vraiment son accent, mais c'est ce qui est super chouette. Ouais. Tu enlèves l'accent de Björk. Mais les gens du Nord, ils ont quand même un accent anglais qui est quand même. Ils ont quand même une culture anglo-saxonne qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, merci pour la réponse. Et votre actualité concert justement, alors on va pas aller jusqu'en Angleterre nous, mais. Dans le coin, c'est... Là on joue le 22 à Saint-Etienne au festival Beast en Claque. Organisé par les archives. Hein, ouais. Et donc le 22. Et mais c'est une soirée privée c'est... Non, c'est ouvert privé, à tous. C'est ouvert à tous. 22 mai. C'est gratuit. Et apparemment gratuit, mais on peut réserver pour être sûr d'avoir une place parce qu'il y aura peut-être du monde, je sais pas. Donc ils ont mis en place des réservations, mais normalement, voilà. Et forum aussi, les gens. Et avant, il y a le 29 mai. Maintenant, ça c'était le 22. Après, il y a le 29, oui, après le 29 à Lyon. Avant le juin, il y a 29 mai. 29 mai à Lyon, au Rock and Eat. Il ne faut pas dire que vous êtes de Saint-Etienne, il faut changer. Ouais. C'est quoi, c'est un festival ou au contraire? Il y a avec nos gros sabots, quoi. Rock and Eat, c'est marrant, je vais être un peu d'animation. C'est une salle, c'est un CAF-Cons à Lyon. Et la fête de musique? Et la fête de la musique, place d'Hôtel de Ville, le 22 à Saint-Etienne. Et le 20, on fait une session acoustique au CHU. Ah bon? Ouais. Bah tiens, j'irai. Alors, c'est à quelle heure? Parce que moi, je travaille au CHU. Le 21 à 15h. Le 21? Ouais, 21. Pas, c'est pendant ta sieste? Comme j'y travaille. C'est juste après. Ah putain, 21, pardon. C'est la mairie qui organise ça, qui amène la fête de la musique à l'hôpital. C'est bien? Ah, c'est beau. C'est bien? Ouais. Pas de chance, j'ai une réunion. Oh! Le mec il se la pète. Non mais c'est sur mon agenda. Je suis overbooké, vous pouvez pas décaler le... Mon boulot, mon boulot c'est d'avoir des réunions. C'est comme ça, hein. Moi je le note quand même. J'essaierai de m'éclipser. Chacun sa merde. Harry réunionniste. Oui, chacun sa merde, on peut le dire. Bon bah moi du coup je vais enchaîner si vous le voulez bien. Alors comme je sais que vous avez hésité sur les influences, je me suis dit que j'allais aussi vous faire plaisir. Parce que je suis grand fan de Pearl Jam. Voilà, pour le coup j'ai quasiment tout chez moi. Et du coup, le titre que vous aviez choisi, c'était Go d'album, leur premier album en fait. Non. VS. C'était VS, non? C'était le deuxième. C'était le premier. Ah, exact, bien vu. J'ai tout. Je connais tout. En fait, elle a voulu nous piéger. Ouais. Elle s'est dit, attends. Ah, mais en 80 et quelques. Elle s'est dit, on va voir si c'était vrai ou pas. Ouais. Donc du coup, je me suis dit que c'était chouette d'écouter du Pearl Jam ce soir. Parce que... Ah ouais, ça fait plaisir. Il est ouais. Les désirs sont des ordres. S'il te plaît. We'll be right back. vous êtes toujours sur Radio Gaga, émission Radio Duo 89.5. Nous sommes avec les Novatom. Alors, je passais un petit bottle next. Il y a Cécile qui veut parler. Parce que j'étais tout seul, il m'a abandonné. Bien sûr qu'on va passer les Novatom en live, non, ne vous inquiétez pas. Non, mais j'ai cru que t'enchaînais un troisième titre. Quoi ? J'ai cru que tu enchaînais encore. Non, je n'enchaînais pas. Mais c'était pour avoir une petite pensée pour les Bottle Next que nous devions recevoir dans 15 jours. Et Pierre, le chanteur, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et ils vont nous revenir à la rentrée, ils nous l'ont promis. Donc, Mais dans 2 semaines, on reçoit Louis Mezassoma. Voilà, qui est au pied levé. Donc on le remercie et on va l'accueillir comme il se doit. Donc dans 15 jours. Et puis, en attendant, on est toujours avec Novatom. Oui. Voilà. Ils vont nous interpréter un titre en live acoustique. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre du... C'est Ride a Ride, c'est un slow en fait dans notre album. Un slow ternaire à l'ancienne et on s'est dit qu'on aurait faire autant qu'à faire un truc acoustique. Voilà. Autant aller jusqu'au bout, c'est ça ? Voilà, jusqu'au bout. Ok. Eh ben, quand tu veux. Is over, the barroom is empty. I am still dancing with her, though everything's broken. C'était donc Novatom. Bravo! Live. On l'a fait à la Wii FM. Ouais. Merci. Merci pour ce slow. Ouais, pour cette petite balade. Donc, on peut te dire qu'on fait gagner un disque donc, de Novatom. Ah oui. Bah, donc, c'est le, comme d'habitude, le premier qui envoie un message sur la messagerie Facebook de Radio Gaga sera le regagnant. L'album de Novatom. Le très bon album. Et je peux toujours pas participer, moi. Ah oui, ça s'envoie un message sur la messagerie de la radio, forcément, tu vas être le premier. Non, ça marche pas. En fait, non, ça marche pas. Non, tu n'as pas de favoritisme. Ta famille. Un pote ou je sais pas. Mais tu sais, au début de l'émission, je faisais appeler toute ma famille, mais maintenant, j'ai plus personne, tu vois. J'ai fait le tour. Ils sont blacklistés. Ils sont spammés, les numéros. Bon. Bon. Allez, on va faire un petit plaisir à Mr. Harry. Ah, quelqu'un alors, est mort encore, non ? Non. On lui souhaite pas quand même. Bâton et de Montbrison. Et puis, je me suis fait un petit plaisir cette semaine. Je me suis acheté un petit album un peu collector de Mickey 3D. Alors, c'est plutôt la première période Mickey 3D, hein, quand il était avec Jojo. Et Naja. Naja, ouais. Et c'est un album où il y a trois titres live. La chanson, donc c'est la numéro 2, Pat. C'est Ma grand-mère, okay, qui est en live. Et c'est un titre relativement rare. Voilà. Parce qu'on est heureux d'accueillir des Montbrisonnais. Et puis Mickey 3D, il est quand même du coin. Et bah merci, ça nous fait plaisir. Merci. Voilà. Alors, pour toutes les grand-mères du monde. Ok. Quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. Du moins, à ma connaissance, je ne vois pas s'immiscer l'ombre d'une chance ici-bas. Plus lointain souvenir remonte jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Du passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, fait main basse sur les mauvais. C'est malheureux, mais quand j'y pense, je ne peux pas imaginer un jour la France sans qu'elle soit là. Un souvenir remonte jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Et je mets en fond toujours Novatom. Royal Baby, donc vous avez bien vu juste, hein, les gars. Ouais. Hein, ça tombait bien. Tombé, hein. Et je crois que c'est le moment de se quitter. Il nous aura bien fait. Déjà, juste, hein, bon, oui. On est presque un peu en avance, mais c'est vrai qu'on n'en savait pas si faire deux lives ou un live. Et oui, donc. J'ai de quoi faire derrière. Tu peux remettre un titre, peut-être, non ? Enfin, je sais pas. Bah, remets un titre de Novatom. Bah, pas de problème. Et bah, pourquoi pas un titre de Novatom ? Ouais, bien sûr. C'est leur émission. Est-ce qu'il y en a un qui vous. Vous voulez plutôt un truc qui envoie, plutôt un truc. Non, bah t'as fait un sourd, question piège. C'est Cécile qui décide. Non, c'est la reine de la non, soirée. Mais j'ai pas le. Another Face. Il va t'aider. Another Face. Another Face. Allez, il y en a une qui s'appelle Another Face. Allez, c'est parti. Baby. Alors, faut meubler parce qu'il est en train de faire la technique. Mais vous pouvez chanter par-dessus, vous le connaissez. Allez, c'est David et Manu, faites voir si vous connaissez les paroles. Et c'est marrant, mais quand je t'ai entendu chanter, c'est vrai qu'il y a le côté 90 qui est ressorti. Ah, mais ouais, chanter, mais moi, je suis un peu influencé par ouais, ça. Ouais. Ça se sent. Ouais. Je peux pas le cacher. Hein. Pour l'accent, de toute façon. Tu vois. L'accent était bon, il n'y a pas de problème. Le mien étant tellement mauvais. Que... Eh non, bien, c'est vrai que ça se sent. Ça y est, il est prêt. C'est parti. Ce groupe, je sais pas, mais c'était super. Ouais, c'était cool. Hein. Et ils sont avec nous encore. Ouais. Les Novatom. Ah, merci messieurs, c'était sympa. Ouais, merci, dehors. C'était cool. Donc là, on est dans les dédicaces et tout là. Non mais merci d'être venu, c'était hyper cool. De rien, c'était pour nous. Et puis bah moi j'espère vous voir en live très bientôt. 22. Le 22, le 8, enfin n'importe voilà, quand. Il y a plein de dates, fêtes de musique. 8, c'est acoustique. Je pourrais. Oh, ouais. Je pense que je passerai à fond. Mais... Enfin, sauf. Ouais, faut... enfin, les acoustiques comme ça, c'est pas pareil qu'un vrai live. Ouais. Quand il y a tout le matos. C'est pour ça qu'on fait de l'acoustique ici. Ouais. Bon, allez, il est temps d'aller se coucher. Hein. Ouais. Voilà. Pourtant, il n'y a plus personne après nous, donc on aurait pu rester entre nous. on n'a pas entendu. Ah, ils n'ont pas entendu. Ah, bah oui. Ah, ils ont enlevé les casques, ils sont déjà partis. Non, je disais, il n'y a plus personne derrière nous, donc on peut rester si vous voulez. Bon, ok, ouais. Allez, c'est parti. La session acoustique de 21 titres. Voilà. Non, mais par contre, vous pouvez faire une playlist pour la prochaine fois, ou pour, je sais pas quand. Ouais, avec plaisir. Et puis, n'oubliez pas, pour le prochain opus, une chanson en français pour Cécile. D'accord. Non, je ne tiens pas particulièrement. Faites ce que vous voulez. Ça, on ne peut pas influencer les artistes. Non, je ne peux pas. Voilà, en tout cas, merci soirée. Et puis à bonne bientôt. Soirée, merci beaucoup. Et donc, dans 15 jours, Louis Mezzasoma. Voilà. Que nous recevons. Ambiance blues. Blues, ouais. Et un blues bien particulier. Ça devrait. On voyait surtout s'il emmène sa bouteille de whisky avec. Je sais pas si c'est possible. Allez, bonne soirée. Bonsoir à tous. Salut. I was biting the time zone. And we embellished the banks of our bloodstreams. And through caution to the color.